France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Elle est omniprésente au théâtre en ce début d'année 2017. Virginie Lemoine est chaque soir sur la scène du théâtre La Bruyère dans un polar sanglant intitulé Piège mortel. Elle met en scène aussi deux pièces de théâtre, Le Bal d'après Irène Nerimovski. C'est chaque soir au théâtre Rive Gauche. Et puis une comédie musicale, 31, au studio des Champs-Élysées qui a démarré avant-hier. Bonjour Virginie Lemoine. Bonjour Laurent. Alors on vous connaît en tant que bout en train, en duo avec Laurent Gérard. C'était dans les émissions de Michel Drucker, Laurent Ruquier, Jacques Martin. On connaît votre rôle de Marion Ferrière dans la série de France 3, Famille d'accueil. On connaît moins votre travail de metteuse en scène. 31, c'est votre cinquième mise en scène. Trois des cinq pièces que vous avez mises en scène d'ailleurs sont musicales ou chantées. Une diva à Sarcelles, Les Maurice Girls, 31. C'est vrai que chaque mois, eh bien, nous confions les clés de la programmation de 42e rue, le rendez-vous des amoureux de la comédie musicale de France Musique, à une artiste, à une personnalité qui affectionne ce genre à part. C'est votre cas ? Oui, absolument. J'adore la comédie musicale. J'ai eu la chance de séjourner de temps en temps à New York. Et j'y vais surtout pour ça. Alors, ce matin, vous faites la programmation de 42e rue et vous avez donc choisi d'ouvrir avec ce titre. Everywhere an orchid grows, you are. Everything that's young and gay, brighter than a holiday. Everywhere the angels play, you are. You're like Paris in April and May. You're New York on a silvery day. A Swiss Alp as the sun grows fainter. You're Loch Lomond when autumn is the painter. You're moonlight on a night in Capri and Cape Cod looking out at the sea. You're all places that leave me breathless, and no wonder you're all the world to me. Thank you. Et hop, après avoir dansé les pieds au plafond, voilà que Fred Astaire se remet tranquillement dans son fauteuil. C'est un extrait que vous avez choisi, Virginie Lemoine, You're All the World to Me, extrait du film Royal Wedding, musique de Burton Lane, un film de Stanley Donen en 1951. Pourquoi ce choix ? Ah mais ça c'est un souvenir d'enfance, je me souviens très très bien de cette scène et ça me semblait tout à fait logique. Quand on est vraiment très très très heureux, on doit pouvoir tout à fait s'élancer, marcher sur les murs, marcher sur le plafond. À l'époque, la télévision en noir et blanc diffusait beaucoup beaucoup de comédies musicales comme ça, c'était extraordinaire quoi. Ça me semblait naturel moi de chanter aussi bien, de danser aussi bien, de marcher sur le plafond. C'est comme ça que vous avez découvert la comédie musicale à la télévision à travers les films ? Oui, quand j'étais petite, oui, absolument, oui. Je crois que beaucoup de gens comme moi, hein. Oui, il y avait beaucoup le jeudi après-midi à la télévision noir et blanc, à l'ORTF, qui passait. On voyait des belles comédies musicales comme ça, extraordinaires. Quelles autres vous ont marqué ? Alors, beaucoup, mais alors au niveau des titres, alors là, je suis un peu en disgrâce avec ça. Ou des moments, des scènes ? Ah ben, Mary Poppins, ça m'avait fait pleurer, ça m'avait bouleversé. Je voulais tellement avoir Mary Poppins aussi. Une Mary Poppins pour moi à la maison. Chantons sous la pluie, tellement de choses magnifiques. Ça a pu vous inciter, par exemple, à devenir comédienne, de voir ce genre de film ? Non, alors là, ça ne m'avait pas effleuré du tout. Surtout que déjà petite, je chantais très très mal. Donc ça a ouvert mon imaginaire en tout cas. Hein, ça m'a beaucoup touchée. Ça a beaucoup touché mon imagination aussi. Hein. Je me suis dit, oh là là, on peut faire des choses aussi formidables. Je trouve que le spectacle musical quel qu'il soit, ou l'opéra, pour moi, c'est spectacle total, quoi. C'est-à-dire qu'en plus de l'histoire, on est embarqué par la musique, on est embarqué par un univers, et puis les performances sont absolument exceptionnelles. Et je trouve que il y a quelque chose pour moi hein, dans la comédie musicale ou dans l'opéra qui me bouleverse. Souvent, j'y reste et je pleure d'émotion. Alors voici un titre, Virginie Lemoine, que j'ai choisi pour vous. Vous allez me dire après si ça vous évoque quelque chose. Extrait de Porgy and Bess de George Gershwin en 1977, un enregistrement par l'orchestre du Grand Opéra de Houston dirigé par John Demine avec notamment Clama Dell dans le rôle de Bess. Ça vous évoque quoi, Virginie Lemoine? Je l'ai vue, cette production, hein. Quand elle est passée à Paris, au Palais des Congrès, c'était pour mes 17 ans, mon frère aîné, Étienne, avait économisé ses cours de piano, il m'avait emmené voir Porgy and Bess. Et il m'avait dit « Habille-toi bien », alors je n'avais pas trop de sous, je m'étais cousu une jupe à la main. Et c'était très très impressionnant comme soirée. Ensuite, il m'avait emmené dîner au restaurant avec lui, c'était une soirée merveilleuse. Et ça m'est toujours resté. Donc, quelle image vous gardez de ce spectacle ? Ah, je me souviens très très bien de Porgy and Bess, de ces deux chanteurs, de ce décor aride. Il y avait les lumières évoquaient le soleil, l'aridité, la chaleur. Je me souviens de ça. Ça m'avait, puis c'est violent, hein, ça m'avait complètement retourné. Et puis Étienne avait eu, c'est très pédagogue, donc il m'avait bien fait écouter l'œuvre avant, bien expliqué l'œuvre avant, j'ai été très impressionnée aussi par ce Porgy, il est handicapé, donc le chanteur, il était maintenu avec par terre, avec les jambes repliées, avec tout un système de ceinture en cuir, tout ça, ça m'avait énormément impressionné. Hein. Ça vous a donné envie de faire ce métier de comédienne pour le coup ? C'est toujours pas ça ? On y est presque, hein, parce que c'était 17 ans, ouais. Et à 18 ans, Étienne m'a inscrit au conservatoire de Rouen pour que je commence mes études d'art dramatique. Virginie Lemoine, vous programmez ce matin 42e rue sur France Musique et vous avez choisi un extrait d'une revue créée au Châtelet en 85, Black and Blue. On se rappelle de cette revue qui a été créée au Châtelet puis à Broadway en 88 avec des musiques de Duke Ellington, Louis Armstrong, Fats Waller. Bah, tout simplement, pourquoi Black and Blue ? Alors, c'est une très belle histoire. On hébergeait à la maison, on habitait une petite maison à Montmartre, on hébergeait un copain qui était placeur au Châtelet. Et alors mon papa, il voulait absolument que j'épouse un noir. Voulait avoir absolument des petits-enfants métis. Donc, un soir, cet ami qu'on hébergeait a demandé s'il pouvait recevoir à la maison toute la troupe de Black and Blue. Alors, papa, oui, bien sûr. Donc, toute la troupe vient. Et il y avait ce petit garçon de 12 ans extraordinaire qui faisait des claquettes dans la revue et qui était avec sa maman. Mmh. Donc, elle était très, très jolie. Donc, papa s'en occupe beaucoup. Il lui fait découvrir le cognac. Il lui fait goûter son fameux cognac. Et puis cette dame explique à papa que, bon, elle avait très, très peu voyagé. Ils habitaient une petite ville aux États-Unis. Puis, elle avait mis au monde ce petit garçon qui était un vrai génie. Et puis, il avait été engagé dans Black and Blue. Il faisait le tour du monde. Donc, elle le suivait partout. C'était contractuel. Bon. Et on a passé toute la soirée avec cette dame. Et puis, des années après, je suis allée à New York voir un spectacle, dont bien sûr le titre m'échappe, sur l'histoire du rythme, c'était Off-Broadway. Et c'était lui qui avait écrit ce spectacle, ce petit garçon qui était devenu un beau jeune homme. Et je suis allée voir ce spectacle, et puis je repensais à lui tout petit, je repensais à sa maman. Et à la fin du spectacle, il y avait une diffusion de photos, d'iapos sur un écran, et il y avait marqué « Ce spectacle est dédié à ma maman ». Et il y avait des photos de cette dame que j'ai reconnue, qui était assise sur une chaise avec son sac à main sur les genoux et qui regardait comme ça avec admiration les répétitions de son fils. C'était très, très émouvant. Et je crois que ce petit garçon, il s'appelait Savion Glover. C'est c'est ça. Plus grand danseur de claquettes. Ah, extraordinaire. Aujourd'hui. What did I do to be so black and blue? that don't seem to help my case. 'Cause I just can't hide what is on my face. I'm with it. Not afraid. I only say. It's in my skin. Tell me, what did I do to be so black? Black and Blue à Broadway en 1988, musique de Fats Waller, Andy Razaf, Harry Brooks, un choix de Virginie Lemoine. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Le petit garçon que vous avez vu grandir, Savion Glover, qui était donc dans Black and Blue à l'âge de 12 ans, et dont vous avez vu le spectacle, on a retrouvé le titre de ce spectacle, Bringing Thy Noise, Bringing Thy Funk. Voilà. Il vous a marqué aussi ce spectacle qui était off-Broadway? Oui, c'était off-Broadway. Donc, il racontait l'histoire du jazz, la création du jazz à travers l'histoire de l'esclavage. Donc, c'était un spectacle politique, engagé. Mm-hmm. C'était un spectacle assez violent et magnifique, hein. Très, très touchant. Il partageait la scène avec une chanteuse de jazz. C'était beaucoup tous les deux. Et puis, ils étaient entourés de tout un tas d'artistes qui faisaient des claquettes, ça, qui rythmaient petit à petit. On voyait, en fait, la musique de jazz se former. C'était très, très, très impressionnant. On reste dans le jazz, Virginie Lemoine, avec un autre choix ce matin. Jazzy, cuivré, le jazz hot de Victor Victoria. Ah oui. Moi, j'ai vu le film quand il est sorti, puis j'ai eu la chance aussi à New York de le voir avec les comédiens qui l'ont créé dans le film. En 95, hein? Oui. Mais vous passez comment ça se fait? Vous allez souvent j'y vais assez souvent, mais j'adore aller voir les comédies musicales. Donc ça, c'était magnifique, c'était génial. Et puis, il y a une pléthore de décors, quoi. Ça va tellement vite, quoi. Pof, pof, pof. Il y a un décor qui tombe du ciel, un décor qui vient sur le côté. Enfin, c'était génial. Vous l'avez vu avec Julie Andrews? Oui. Sur scène? Oui. Et alors? Ah ben, c'était... Ben voilà, on touchait quelque chose du doigt. Et puis j'étais avec Laurent Gérard, après on nous a proposé d'aller dans les coulisses. De toute façon, on nous connaissait bien sûr pas du tout, on était trop intimidés. On a dit non, on n'a pas osé, on n'y est pas allé. J'ai deux versions à votre disposition ce matin, Virginie Lemoine. Vous voulez le jazz hot par Julie Andrews dans le film en 82 ou le jazz hot dans la comédie musicale avec Julie Andrews en 95? C'est vous qui choisissez. Alors, 95 sur scène. Ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, It is with great pleasure that I introduce to you one of the most sensational, truly unique talents of this century, the one, the only, Victor! Ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Before they knew it, it was whizzing round the world. The world was ready for us. New kind of music. And now they play it from Steamboat Springs to Paz. There is a story that began in New Orleans about a lady who discovered this music. She fell completely in love with jazz. No one has loved it like this lady has. They say today the lady travels around the world. You only see her where they're playing this music. That's why they've seen her from Steamboat Springs to La Paz. Jazz as her escort to give her jazzmatazz. Oh, baby, won't you play me the jazz? Maybe, and don't ever let it end. I tell your friend it's really something to hear. Oh, I can't sit still when there's that rhythm near me. Oh, so baby, the jazz hot may be what's holding my soul together. Don't know whether it's morning or night, only know it's sounding right. So come on in and play me the jazz hot, baby, 'cause I love my jazz hot. Let it end. I tell your friend it's really something to hear. I can't sit still when there's that river near me. Thank you. jazz hot. Baby, you're holding my soul together. Don't know whether it's morning or night, only know it's sounding right. So come on in and play me the jazz hot, baby, 'cause I love my jazz hot. Signé Henri Mancini, Victor Victoria à Broadway, comme si vous y étiez, avec Virginie Lemoine en 1995. Elle avait plus toute sa voix quand même, Julianne Jules, non? Quand vous avez été la voix. Oui. C'était quand même bien à voir sur scène. Ah, mais c'était magnifique. C'était, j'ai un souvenir. Non, elle était magnifique, même vocalement. C'est une très belle femme. Non, c'était magnifique. C'est inoubliable. Quelle image vous gardez de la mise en scène du spectacle? Ah, mais écoutez, c'est peut-être bête de dire ça, mais c'était comme si on était. Enfin, c'était la même chose que le film. C'est-à-dire que c'était pléthore de décors. Ça allait aussi vite que dans le film, quoi. C'est incroyable. Ça se dépliait comme une boîte à musique avec cet hôtel, avec les chambres. C'était hallucinant. Virginie Lemoine, donc vous êtes allée voir Victor Victoria à New York en 1995. Quand vous allez à New York, vous êtes du style à aller voir 2, 3, 4, 5 comédies musicales? Oui, autant que je peux. La dernière fois que j'y suis allée, j'en ai pas vu assez, mais tant que je peux, j'y vais. Je fais la queue au ticket office et puis je me lance et puis j'y vais. C'est tellement des spectacles, on n'a pas beaucoup en France, on a rarement des productions américaines comme ça. Enfin, là, à Londres, aux États-Unis. Enfin. Donc, on n'a pas eu Victor Victoria en France, par exemple. Ça vous donnerait envie de le mettre en scène, hein? Ah oui, il y a des comédies musicales, je me dis, peut-être, j'arriverai peut-être pas à les mettre en scène, mais en tout cas, je me dis, mais quel dommage que ça ne se joue pas en France. Est-ce que d'aller voir ces comédies musicales à Broadway, ça peut vous aider, vous inspirer dans votre travail de metteuse en scène, hein, Virginie Lemoine? Oui, en même temps, je n'ai pas du tout ces moyens-là. Hein, quand oui. J'ai monté 31, je n'avais pas du tout les... Donc, en fait, peut-être que ça aide ça décuple un peu l'imagination, parce que c'est bien aussi d'avoir peu de moyens et puis de se creuser la tête pour avoir autant de changements de décor que dans Victor Victoria avec très très peu d'argent. Oui, c'est ça qui est important, le changement de décor par exemple. Oui. Donc, oui, oui. Dans 31, on va en parler tout à l'heure. Oui. Je crois qu'il y a 13 changements de décor avec 4 boîtes à chaussures. Non, j'exagère. Voilà. 4 plaques. Pratiquement ça, oui. Mais c'est important qu'il y ait des changements de décor dans une comédie musicale. Oui, en fait, quand j'ai lu 31, je me suis dit, oulala, j'ai rien dit à Gaëtan Borg et Stéphane Laporte qui l'avaient écrit. Je me suis dit, mais comment va-t-on faire, quoi? Parce qu'avec tous ces changements de décor, on... Mais bon, après, on se creuse la tête et puis l'imagination prend le pas. Et puis c'est bien aussi de faire avec peu de choses aussi, c'est bien. On va prendre le temps d'en parler justement de 31, la comédie musicale, qu'on peut voir depuis avant-hier au studio des Champs-Élysées. C'est votre cinquième mise en scène. Oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? On vous a apporté le projet, hein, vous ne l'avez pas écrit. Oui, non, non, vous n'avez pas écrit la musique. Non, pas du tout. La musique est de Stéphane Corbin. Et moi, j'ai ce que je disais, je trouve qu'il y a... La matière, la forme est contenue dans la matière. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'humanité. Il y avait un très joli regard sur les relations humaines, sur l'évolution des relations humaines. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée. Et puis, j'ai aimé ces quatre personnages. J'ai aimé l'amour qu'ils avaient, qu'ils ont les uns pour les autres et la façon dont ils évitent de s'entrechoquer pendant toutes ces années. Ils mettent tellement de bonne volonté, c'est très très compliqué de traverser des années et des années et des années de vie sans se faire mal. Ils font tellement attention et ils s'écorchent un peu de temps en temps et ils se réchauffent. Et c'est une très très belle histoire entre quatre personnages. On raconte l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le spectacle était certes en off à Avignon, à jouer pendant un mois, certes depuis juste avant-hier au studio des Champs-Élysées. Voilà, c'est l'histoire de quatre amis qui se retrouvent à chaque réveillon. Ça commence le 31 décembre 99, oui. La veille de l'an 2000. Et en fait, on va découvrir les liens et les blessures entre eux à travers une histoire racontée en remontant le temps. Voilà, c'est ça. Chaque acte, c'est un 31 décembre. Et au lieu d'avancer dans le temps, on recule dans le temps. Donc chaque acte, c'est un éclairage supplémentaire sur l'histoire de ces quatre personnages et sur leur trajectoire. Donc on ne découvre pas leur destin, mais leur trajectoire. Et je trouve que les auteurs ont vraiment su développer des rapports, je trouve, autres entre que des rapports de force, des rapports de séduction, des rapports d'amour, d'amitié, de complicité. Et c'est une histoire qui est simple et extrêmement touchante. Histoire ponctuée de chansons, oui. Composée par Stéphane Corbin. Oui. On a eu la chance de les recevoir sur 42e rue, c'était en septembre dernier. C'est la fin d'une année, c'est encore un 31. Une page à tourner, c'est encore un 31. On repart à zéro et tout va s'arranger. Ce petit numéro va suffire à tout changer. Le succès, le bonheur et surtout la santé. Faire le guet sous le gui et finir l'année tout seul. Je picole, je languis au milieu des gens qui gueulent. Dès la fin du dîner, j'ai le même goût amer. Faut que j'appelle ma mère. On mijote son suicide en mangeant du foie gras. Il y a encore du foie gras. Il y a toujours du foie gras. C'est la fête aux lipides. Et à qui m'embrassera? Et à qui m'embrassera? Il y a encore du foie gras. Serpentin, cotillon et nos années en l'air. C'est la même dépression que tous mes anniversaires. Encore un 31. J'ai le même goût amer. C'est la fin d'une année, c'est encore un 31. Quatre amis, des pizzas et notre histoire en commun. Avec eux, minuit sonne et je n'écoute pas. Avec eux, ces soirs-là sont de meilleurs 31. Encore un 31. C'est un coup de cœur, hein, je dois dire. 31, Carole Defitte, Valérie Zakomer, Fabien Richard, Alexandre Fetrouni, encore un 31, musique Stéphane Corbin, mise en scène Virginie Lemoine. Pourquoi vous mettez en scène autant de pièces avec de la musique? En fait, je ne me suis jamais fait la réflexion. Si tout à l'heure, quand vous avez fait les décomptes, vous avez dit que j'avais surtout mis en scène des spectacles musicaux, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai, je ne fais pas la différence, mais pour moi, c'est une histoire. C'est vrai que c'est encore mieux quand il y a de la musique. Mais voilà, pour moi, c'est une histoire. Et puis là, franchement, ils sont absolument extraordinaires. C'est des chanteurs magnifiques et des interprètes magnifiques. Enfin, c'est des comédiens extraordinaires. J'ai pas vu la différence en les mettant en scène avec des comédiens qui sont que comédiens. Ils sont comédiens-chanteurs, mais ils sont comédiens fabuleux, formidables. Alors, votre prochain choix, Virginie Lemoine, ça c'est une découverte pour moi, j'avais jamais entendu cet album, Diane Dufresne, avec l'orchestre, le grand orchestre métropolitain du Grand Montréal, et une chanson qui s'appelle Youkali, de Kurt Weill, alors moi, en français. J'adore cette chanson, j'adore Youkali, et puis en fait, alors qui m'a dit de l'écouter? Je pense que c'est Vincent Serrault, notre attaché de presse, qui m'a dit, mais ça a été chanté par Diane Dufresne, et je me suis dit, ah mais j'aime beaucoup Diane Dufresne, alors je suis très curieuse de l'entendre. Vous l'avez jamais entendue non plus? Je connaissais pas cette version, ouais. Alors on va faire chacun un vœu. C'est presque au bout du monde, ma part vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur. soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Yucali, Yucali. C'est le respect de tous les vœux échangés. Yucali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les. Que nous attendons tous pour demain. Yucali, c'est le pays de nos désirs. Yucali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie. De Yucali, et la vie nous entraîne, la santé quotidienne et la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre, su trouver le mystère où nos rêves se tairent. Yucali, Yucali, c'est le pays de nos désirs. Yucali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yucali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit. Comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Yucali, Yucali. C'est le respect de tous les vœux échangés. Yucali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. Yucali, c'est le pays de nos désirs. Yucali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve. De Yucali, mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Diane Dufresne avec l'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, qui vient de succéder à James Lapagne au poste de directeur musical à New York, au Metropolitan Opera. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Et Virginie Lemoine, qui ce matin programme 42e rue, avec, alors là, une création française que vous avez mis sur votre liste, Créature, d'Alexandre Bonstein, Lee Matford, l'histoire de William, un homme... normal, entre guillemets, qui laisse échapper tous les démons intérieurs qui le tiraillent, des créatures, des sorcières, des loups-garous, et qui se transforment d'ailleurs, c'était très marquant dans le spectacle, en Marguerite à un moment. Oui. Pourquoi vous avez choisi cette œuvre? J'aime énormément ce qu'écrit Alexandre von Stein. Je trouve qu'il a un univers très particulier, très singulier, très personnel. Il déglingue complètement la réalité, il nous embarque dans des... Voilà. Autre chose, et en même temps, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'humanité, il y a un regard ironique, amusé, mais et plein d'humanité sur ces personnages. Moi, j'étais embarquée, et puis j'ai trouvé aussi, c'est très joli ce qu'il a écrit, et puis musicalement, c'est magnifique. C'était un très très beau spectacle. Ça a marqué en France. C'est une comédie musicale française qui a été jouée à New York, par exemple. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, et à chaque fois avec le même plaisir. Les séquences étaient tellement différentes les unes des autres, on était toujours embarqués. Alors, vous avez choisi une chanson, Ariane Pirier, qui chante Lune. Oui. Ça se passe à quel moment, vous vous rappelez? Alors, je sais qu'ils sont en loup, et qu'à cause de la Lune, ils redeviennent humains. Avec mon moral à quatre pieds sous terre et le reste aux quatre vents, je noie la lune de plaintes et de prières. C'est la seule qui me comprend. J'ai beau lui avouer le pire, elle n'élève jamais la voix. Et si lassée, elle se voile quelquefois, il m'a semblé la voir pâlir pour moi. Lune, ô ma lune, éclaire un peu ceux qui sombrent. Si seulement tu pouvais t'approcher, me faire une toute petite place dans ton ombre. La terre m'a laissé tomber. D'adorer le soleil, il ne donne que des conjonctivites. Entre rondes, on se reconnaît. En graffité, on s'entend. Mais quand la lune s'en va décroissant, moi c'est de la brioche que je prends. Lune, ô ma lune, éclaire un peu ceux qui sont. Toi, ma terre, ma mère, mon Dieu, fais-moi une toute petite place dans ton ombre, toi si pleine et moi si creux. Oh. solitude, je la hurle à la lune. Pour créer des liens, c'est pas trop ça. Mais quand elle passe nue dans la nuit brune, je prends la pose, c'est plus fort que moi. Lune, oh ma lune, mes forces se consument. Tous mes maigres espoirs se débinent. Mais sous ta lueur, perdue dans la brume, on a au moins l'air d'avoir bonne mine. On a au moins l'air d'avoir bonne mine. On a au moins l'air d'avoir bonne mine. Lune, extrait d'une comédie musicale d'Alexandre Bornstein et Lee Metford avec Ariane Pirier, Christophe Bonzon, Patrick Laviosa. Alexandre Bornstein, c'était en 2003, un choix de Virginie Lemoine. Virginie, on arrive à la fin de cette émission et on arrive au bout de la 42e rue donc. Et vous avez choisi de passer un extrait de 42e rue. Alors, vous l'avez vu au Châtelet, oui. Vous l'avez vu en 2001 à Broadway, enfin, oui. Vous avez vu combien de versions de ce J'ai spectacle vu deux. D'accord. Mais alors, pour moi, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, la boucle est bouclée, parce qu'on a commencé avec Porgy and Bess, avec mon frère aîné qui m'invite pour mes 17 ans à voir Porgy and Bess. Et pour le remercier, cette année, je l'ai invité, moi, à voir 42e rue. Et je l'ai invité au restaurant, comme il avait fait. Et j'étais tellement émue d'être avec mon frère aîné, de voir 42e rue, que j'ai fondu en larmes quand le spectacle a commencé. Il savait pas quoi faire pour me consoler. Et puis quand le spectacle s'est terminé, c'était tellement beau que je pleurais encore. Et il était tout à fait désolé, mon frère. Mais on a passé une soirée magnifique. C'était extraordinaire. Alors il y a un moment que vous avez choisi, vous m'avez écrit, parce que voilà... tel moment, donc c'est le moment où les acteurs, la foule va chercher la jeune première, la jeune fille à la gare. Pourquoi ce moment en particulier dans 42e rue, qui on se rappelle raconte, voilà, enfin c'est d'après le film de 1933 avec les chorégraphies de Busby Berkeley. Oui, pourquoi ce moment? Parce que j'aime énormément ce morceau. Et puis mon frère aîné, je travaille au piano zinc, mon frère aîné le chantait en plus ce morceau-là. Donc il est gravé dans ma mémoire. Et dans ma vie. Et c'est un des morceaux que je préfère dans 42e rue. Et en deux mots, alors la différence entre ce que vous avez vu à Broadway en 2001 et ce que vous avez vu au Châtelet il y a un mois. Non, c'est le même niveau, c'est pareil. Ouais. Ça, moi, j'ai retrouvé les mêmes émotions. C'est tellement beau ce rideau qui s'ouvre jusqu'aux genoux des claquettistes. Et on voit, je sais pas, 50 personnes qui font des claquettes exactement avec une maîtrise absolue. C'est extraordinaire. Sawyer, I'm here to apologize for what happened and to ask you to come back. I'm sorry, Mr. Marsh. Show business isn't for me. I'm going back to Allentown. What was that word you just said? Allentown? I'm offering you the chance to star in the biggest musical Broadway seen in 20 years, and you say Allentown? Now listen, Sawyer, and listen good. Even if you don't give a damn about me, think of all those kids you'll be throwing out of work if you don't do this. Think of the songs that will wither and die if you don't get up there and sing them. Think of the scenery that will never be seen, the costumes never worn, the orchestrations never heard. Think of Pretty Lady and the thrill and pleasure it could give to millions. Think of musical comedy, the most glorious words in the English language. Sawyer! Think of Broadway, damn it! Come on along and listen to the lullaby of Broadway, the hip hooray and ballyhoo, the lullaby of Broadway, the rumble of a subway train, the rattle of the taxi. The daffodils who entertain at Angelo's and Maxie's. When a Broadway baby says goodnight, it it's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. Good night, baby. Good night. Milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight. Let's call it a day. Listen to the lullaby of old Broadway. Come on along and listen to the lullaby of Broadway. The hidey hi and whoop-dee-doo, the lullaby of Broadway. The band begins to go to town, and everyone goes crazy. You rock and buy your baby round, till everything gets hazy. Hush, I'll buy, I'll buy you this and that. You hear a daddy saying, and baby goes home to her flat to sleep all day. The subway train, the rattle of the taxis, the daffy tails who entertain until the dawn. Second Street, musique Harry Warren, la production de 2001 que vous avez donc vue à New York, Virginie Lemoine. Absolument. Avec Christine Ebersole dans le rôle de Dorothy et puis Kate Levering dans celui de Peggy Sawyer. Merci, merci d'être venu ce matin partager votre vous, culture de la comédie musicale. Merci beaucoup. Alors on vient vous voir, vous sur scène dans Piège Mortel, Virginie Lemoine au théâtre de la Bruyère. Et puis vous êtes donc metteuse en scène de deux spectacles qu'on vous recommande. D'abord le bal au théâtre Rive Gauche et puis surtout la comédie musicale 31. À découvrir au studio des Champs-Élysées chaque soir. Et puis, autre spectacle musical, une diva à Sarcelles. Qui est en tournée encore. Qui est toujours en tournée. Et les Maurice Girls, ce projet musical, c'est pour quand ? Alors, on l'avait monté, on a fait une tournée, j'espère qu'on va le reprendre. Et bien on attend ça avec impatience. Merci Laurent. Toutes merci les infos, infiniment. Bien sûr, sur francemusique.fr, où vous pourrez podcaster l'émission. Notez que le prochain cabaret 42e rue, c'est dans 15 jours. On recevra un autre grand metteur en scène. Lui, il met en scène des opéras à travers le monde, du Metropolitan à l'Opéra de Paris. On se rappelle de sa fille du régiment avec Nathalie Dessay. C'est Laurent Pelly qui aura carte blanche dimanche 26 février. Il a choisi 4 grands artistes qui interpréteront en direct des extraits de Hello Dolly ou de Funny Girl. Rendez-vous eh bien, le 26 février, réservation indispensable sur maisondelaradio.fr. 42e rue Laurent Vallière, Martine Moni, Adelino Mello, Emmanuel Rose, Fabien Flora. On vous souhaite un très bon dimanche. Rideau.